c'est quoi tout garçon? Si m'a souffri dans la vie, c'est parce que moi m'aime en pile belle fille. Moi ta reme connaît, si c'est quoi tout garçon? Dans la vie, messieurs, souffrance garçon, pape Jean. Mais son quoi?